crache ma vie sur des bouts de papier. On plaque comme ça. Je crache ma vie sur des bouts de papier. Sur des bouts de papier. J'ai la tête qui éclate. R.A.P. R.A.P. J'inspire à tant de choses, mais attire le mauvais œil. Mes poses en deviennent monotones. L'œil du chétan me guette, son regard pèse des tonnes. L'osmose avec la musique s'impose, m'expose. Une éternelle critique des autres. Le hip-hop m'empoisonne, mais sans lui c'est certain. La tête baissée, mon esprit serait comme mort. Alors je lâche une hymne au R.A.P. comme un lâcher dream, à la sans pitié. Je ne suis pas né, tu le sais. Un micro dans les mains, je suis un chemin parmi des milliers, millions d'êtres humains. Chose, sans savoir de quoi sera fait demain. L'espoir et l'amour me soutiennent quand je vibre dans le hop. Si mon son fait un flop, je m'accroche tant bien que mal à cette corde tendue par mes potes. Stop. Merci, grâce à vous je suis au top. J'rappe cru, est-ce un tort? J'assume, c'est ma force. Force est de reconnaître mes échecs et alors j'accrue mes efforts. La plume c'est ma cause, être honnête en laissant une trace écrite comme une page de moi-même. M'amène à ne pas me couper les veines. M'amène devenir quelqu'un de bien dans un monde qui ne laissera personne indemne. J'rappe cru, est-ce un tort? J'assume, c'est ma force. Force est de reconnaître mes échecs et alors j'accrue mes efforts. La plume c'est ma cause, être honnête en laissant une trace écrite comme une page de moi-même. M'amène à ne pas me couper les veines. M'amène devenir quelqu'un de bien dans un monde qui ne laissera personne indemne. J'rappe cru, est-ce un tort? J'assume, c'est ma force. Force est de reconnaître mes échecs et alors j'accrue mes efforts. La plume c'est ma cause, être honnête en laissant une trace écrite comme une page de moi-même. M'amène à ne pas me couper les veines. M'amène devenir quelqu'un de bien dans un monde qui ne laissera personne indemne.